C'est le ventilateur à l'eau, quoi. Et mais moi, je crois que c'est une stratégie parce que là, on est à 50 et quelques, quoi. C'est une stratégie pour me faire perdre du temps, non? Je sais pas. Ou alors, j'ai payé pour ma campagne de pub, j'ai 25 000 vues. J'ai envie de me convaincre. Je préfère me convaincre là-dessus, si tu veux, en fait. Mais dis-moi oui, Julie, aide-moi. Moi, je suis en détresse. Non, mais je sais pas si je suis parano. En vrai, vrai, Pierre, tu vois, je ne sais Pierre, pas. Voilà. je n'ai aucune réponse ou solution à t'apporter. J'en suis vraiment Non, mais parce que totalement dans ma désolée, famille, hein, ils en vrai. doutent. Et moi, je doute aussi. Je me dis, ben alors, mais bon, c'est bizarre quand même. En volume. Appel des gens qui s'appliquaient et donc là j'aurais fait plein les machins sur les 25 000, tu vois. Donc je suis désolée, c'est, tu vois, je veux pas être. Moi aussi, Hein, moi je aussi, je veux suis d'accord, pas. je suis d'accord, Je, d'accord, j'ai tu me demandes ce 25 000. que j'en pense, je te Eh dis ce bien, que j'en moi pense, aussi, Pierre, hein, mais tu vois. moi je pas, mais le truc c'est que Hein? ma famille, Voilà, ma famille me croit pas trop, parce que dans mes amis ils me croient pas statistiquement trop, je suis d'accord, parlant, tu vois, merci, voilà, si. merci d'avoir mis les bons mots, là c'est vrai, j'ai 25 000 Statistiquement vues, parlant, voilà, t'as 25 000 vues, si j'ai t'avais eu, 50 voilà, appels, t'as 50 appels à la con et zéro bon qui sont appel. bourrés, mais voilà, t'as zéro bon appel. Tu vois, moi c'est ça qui me fait me dire qu'il y a un truc chelou quand même, quoi. Il y a clairement un truc bizarre. Moi ça commence Et, à prendre à moi. Neuf, parce neuf. qu'après, moi je dis, sur le fait d'être libéral et d'avoir des appels à la con, j'en ai eu, mais après, c'est pareil, c'est pas des 0,6 en général, c'est rarement des 0,6. Non, en fait. Et tu peux les bloquer Moi et le après, truc c'est que non, ils moi disent je pas. dis, moi je fais la différence Et entre eux. quand ils te répondent, par contre, ils te Non. disent pas rien. Quand tu leur réponds, ils te disent Non, pas moi, rien. moi dans tout mon tri là, sur le là, genre tu as harcèle 53, Ouais, mais je 52. vu, hein. Je mets pas les démarcheurs téléphoniques en Je me 0,6. doute, Pierre, parce